ces temps-ci, j'ai vu des têtes changer. Étrange pressentiment où tu dément mes paroles et monte les uns contre les autres. T'as vu nos mains plonger dans la merde et t'as voulu qu'on les laisse dedans. Et là, dis-moi pourquoi tu bug et devant nous tu fais le deuil. Pourquoi la jalousie prend le dessus et par dessous notre espoir se consume comme cette fleur fanée. Pourquoi j'ai pris le mauvais chemin, trop en vie pour pourrir dans une tombe, courir pour attraper son passé, dépasser, effacer, s'enlacer sous les bras du chétan. Ces temps-ci tout va mal, Maro, tout est perdu. Cette fillette a perdu la tête, près de sa mère de vieille folle. Et je crois dans l'alcool, elle a perdu son père à la naissance, allongé sur le banc de l'école. Elle réfléchit à ce qu'elle va devenir, ses rêves finis dans le noir chaque jour que Dieu fait. Elle rêve de serrer son père dans ses bras, fini dans les tours de la cité. Sous la virginité, les coups de feu de sa mère lui a infligé. La souffrance et un manque d'amour, la pousse au suicide. Le lendemain matin, on la retrouve violée, perdue dans un monde où l'on ne revient pas. Ces temps-ci, tout va mal. J'ai vu des têtes changer, j'ai vu des frères plonger, j'ai vu des mères pleurer, j'ai vu des pères trimer, j'ai vu des sœurs prostituées, des familles en larmes. C'est ainsi, on voit plus rien dans ce monde, on voit plus rien dans ce pays, on voit plus rien dans nos villes, plus rien dans nos rues. Alors on anime la musique, c'est ainsi. Écoute comment on rappe, comment on boit, comment on claque, comment on gère, c'est ainsi. Difficile d'acquérir notre bien, car le temps change de temps en temps. En pointe, on se bloque, l'état des lieux nous joue des tours, des tours. Mais on avance sans fin, sans frein, on lâche rien. Ces temps-ci, trop de choses me prennent la tête. J'ai peur d'agir et tout niquer sur un coup de tête. Même les négros changent de couleur, laisse. On sait qui est qui fait quoi pour nous. Ils savent qu'on a du talent. Ces temps-ci, j'ai du mal à fermer l'œil. Alors j'écris à force de gratter. J'ai troué ma feuille, j'en ai gros sur le cœur. J'garde tout pour moi, ça m'infecte de l'intérieur. Putain, j'pète les plombs, ça les porcs, j'ai tout droit dans le mur. Ces temps-ci, tout va mal. J'ai vu des têtes changer, j'ai vu des frères plonger, j'ai vu des mères pleurer, j'ai vu des pères trimer, j'ai vu des sœurs prostituées, des familles en larmes. C'est aussi frérot, dans ma tête ça tourne pas rond. Chaque jour que je fais, y'a mon daron qui gueule, car je ne tape pas. J'vois sa rancœur et je me dis pour qu'il se fâche pas. D'aller poser, rester la tête baissée au lieu d'être posé sur mon lit superposé. À pioncer jusqu'à 2h de l'après-midi. J'vais à l'intérim après, j'ai mis des CV dans leur putain de boîte aux lettres. Mais tout ça sans la merde, comme aux toilettes. Que faire frère, soit j'monte en ponchard, soit j'attends la réponse de ces bâtards. Ces temps-ci, y'en a qui courent pour des hippies. J'cogite pour du Nesby, cumule pas mal de soucis. Les petits chez nous veulent des six coups. Ces temps-ci, y'en a qui cumule pas mal d'arrestations. Ces temps-ci, y'en a qui rate pas mal de coups. Ces temps-ci, la rue te rend fou. Un bal pour un 12 coups, une folie pour des sous. Dans la cour des grands, tu joues le fou. Ces temps-ci, le charbon pour du bifton. FDLR, ces temps-ci.